L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. La grande tache rouge de Jupiter apparaît être une source de chaleur intense qui échauffe la haute atmosphère de la planète géante. La température au-dessus de la tache est plusieurs centaines de degrés plus chaude que dans les autres régions de Jupiter. Résultat d'une étude parue dans Nature cette semaine. L'équipe de James O'Donoghue, planétologue à l'université de Boston, a observé non pas la surface nuageuse de Jupiter telle que l'on peut l'observer en visible et qui ne s'étend pas au-delà d'une altitude de 50 km au-dessus de la surface gazeuse, mais la haute atmosphère, 800 km au-dessus, et en infrarouge avec le spectromètre SPEX monté sur le télescope Infrared Telescope de la NASA. Ce qui a depuis longtemps été considéré comme anormal et familièrement appelé la crise de l'énergie des planètes géantes, c'est cette relativement haute température de la haute atmosphère de Jupiter, 800 Kelvin, alors que l'échauffement solaire donnerait seulement une température de 200 Kelvin. Il doit donc exister une autre source de chaleur, venant non du haut, c'est-à-dire le Soleil, mais du bas, la planète. O'Donoghue et ses collègues sont ainsi partis à la recherche d'anomalies thermiques en cartographiant la distribution de température sur toute la planète géante pour tenter de trouver une origine à cette chaleur injectée dans les hautes altitudes. Ce que les chercheurs ont observé presque immédiatement, c'est que les températures les plus élevées se trouvaient exactement au-dessus de la grande tache rouge, atteignant 1600 Kelvin. Eh oui, soit une température plus élevée encore que ce qui est observé au niveau des aurores polaires, où l'échauffement est bien compris et lié aux interactions des particules dans le champ magnétique. La grande tempête formant cette grande tache rouge, observée depuis plusieurs centaines d'années maintenant, apparaît être une énorme source de chaleur qui vient réchauffer la haute atmosphère de Jupiter plusieurs centaines de kilomètres au-dessus. L'explication que proposent les planétologues est que des flux atmosphériques turbulents, juste au-dessus de la tempête, produiraient des ondes de gravité et des ondes acoustiques qui viendraient s'écraser par dissipation visqueuse à plus haute altitude en produisant un échauffement intense. Ces observations permettent de résoudre une vieille énigme de plusieurs années et pourraient, par la même occasion, aider à comprendre d'autres mystères sur d'autres planètes comme Saturne, Uranus et Neptune, que l'on peut étendre d'ailleurs à toute exoplanète gazeuse du même type. Ces planètes ont généralement une température atmosphérique mal comprise, et c'est seulement récemment que l'apport d'énergie venant des couches profondes commence à être modélisé. Pour le moment, ces nouvelles observations de Jupiter et de sa grande tache rouge sont les seules qui permettent de valider ces modèles de transfert d'énergie. Les hautes températures mesurées au-dessus de la grande tache rouge sont une preuve de l'existence d'un tel transfert d'énergie du bas vers le haut. Il ne reste plus qu'à trouver des cas similaires sur d'autres planètes gazeuses. L'article de l'équipe de James O'Donoghue est paru en ligne dans Nature le 28 juillet 2016. Il a pour titre « Heating of Jupiter's upper atmosphere above the Great Red Spot ». L'échauffement de la haute atmosphère jovienne au-dessus de la grande tache rouge. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de Jupiter, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toutes les autres sur iTunes, ainsi que sur PodCloud, ainsi que sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !